Elle s'articule autour de la France. Blessée dans mon âme, mon attitude devenue stigmate. Comme des points sombres lumineux sur des fronts mat. Dans le face à face des cœurs, quelle est mon ascendance? Les mondes s'entrechoquent, les esprits s'interpénètrent de part et d'autre. Le vice s'insinue de toutes parts, je m'en dis pas. Votre compréhension, ça tombe sous le sang. Faut bien qu'on s'accommode si on veut que la France avance. T'expliquer ce que je ressens, c'est me faire violence. Enfance volée, tu crois en nous, y'a trop de carences. Quand tu sais, tu souffres, tu loues, tu finis dans le gouffre. Mec, c'est pour ça qu'on est encore là sans doute. J'ai voulu me retirer pour mes convictions. Jamais j'ai saisi l'impact de nos textes au fond. Si je te mens, laisse-la, on est sincère mon frère. J'espère mourir, visabilillah, inch'Allah. Mais c'est juste survivre. Ce qu'on fait nous aide à survivre. Pour les nôtres on veut juste survivre. Nos convictions nous poussent à survivre. On essaie juste de survivre. Ce qu'on fait nous aide à survivre. Pour les nôtres on veut juste survivre. Que tu sois noir, blanc, survivre. Et nous, quand ils nous blessent, ne saigne-t-on pas? Mais l'histoire pèse trop lourd sur la balance. Je crois, je suis l'enfant d'Abdelkader et Franz Fanon. De mes yeux coulent en profusion des larmes de sang. Victime comme Meursault, je deviens étranger. On peut avoir nos convictions sans intention cachée. Cachée, pourquoi tu crois qu'en nous y a que de la haine? On accepte la différence, on sait aussi dire je t'aime. On doit aimer pour notre frère ce qu'on aime pour nous-mêmes. Et mon frère, c'est toi, lui, elle, ma sœur, pareil. Tu sais, notre tolérance n'est jamais feinte, elle vient du cœur. Tous les prophètes ont exalter l'essence des cœurs. Et qui pourra dire le contraire? Je crois à personne. La force qui nous anime, décrite par Henri Bergson. N a fait un mix entre les JMF et le MIP. Le mic est stylo pic pour survivre. On essaie juste de survivre. Ce qu'on fait nous aide à survivre. Pour les nôtres on veut juste survivre. Nos convictions nous poussent à survivre. On essaie juste de survivre. Ce qu'on fait nous aide à survivre. Pour les nôtres on veut juste survivre. Que tu sois noir, blanc, survivre. Louange à l'unique, comme dans le verset du trône de la fange issue. Mais l'argent n'est plus notre icône. J'arpente chaque jour le chemin de la repentance. Voir maman sourire de fierté, une renaissance. Et je me bats au quotidien avec ma femme que j'aime. Pour qu'ensemble on puisse bâtir une famille parfaite. NAP c'est plus qu'un groupe. Demande à Magie, je dédie ce texte à Adel Chelgoum ainsi qu'à Nadir. Garder espoir, l'expérience fait tourner la roue. La rue rend trop souvent mal, l'affection qu'on lui porte c'est tout. J'ai plus d'amour que de haine, faut que tout le monde le sache. Et nos sourires ce sont des tragédies qu'ils cachent, qu'ils masquent. On a tellement fait le mal dans le temps. Je prends 10 nouvel album. 9 seulement, dans l'édifice de notre vie, on pose une autre pierre à la mémoire d'Abdeslam Jam. On essaie juste de survivre. Slim et Jean-Pierre. Ce qu'on fait nous aide à survivre. Pour les nôtres, on veut juste survivre. Nos convictions nous poussent à survivre. On essaie juste de survivre. Ce qu'on fait nous aide à survivre. Pour les nôtres, on veut juste survivre. Que tu sois noir, blanc, survivre. On essaie juste de survivre. Ce qu'on fait nous aide à survivre. Vivre. Pour les nôtres on veut juste survivre. Nos convictions nous poussent à survivre. On essaie juste de survivre. Ce qu'on fait nous aide à survivre.